c'est brother en faction. Check l'interaction. Depuis le temps qu'on rappe, mec, c'est le temps de penser à l'action. On l'a toujours pensé, on le fait à notre façon. Ils veulent faire comme nous, peu importe, fuck les bastons. Les mecs parlent, pas tous intelligents, gros. Les best parts sont tous dans nos mémoires, gros. Ils fessent pas, à la bonne place encore, gros. Ils testent pas, parce qu'ils ont espoir. On se croit d'un pays bas, puis plus rien qui va. C'est nous qui servent de bouc pour les problèmes de l'État. Tchik tchik blé, brother en premier plan. T'as peut-être intérêt à faire un peu de chemin dans les bois. Ils veulent faire comme nous, yeah. Ils veulent rapper comme nous. Si tu veux nous piquer notre style, une fois que tu t'installes, pas de fucking espoir. Ils veulent faire comme nous. C'est la passer à l'action. Entière mais frappé par la foule. Happé par l'amour, balafré, navré, après mal à vous. Des fois la fin c'est du tellement les gens qu'on nous prend pour des saints. Dessiner leur propre destin, malheureusement finissent décimés. Se balancer sur le dos des gens mais sans qu'ils aient décidé. J'y filons à toute la route, des filles, des jouets, des filles, des prises. Elle nous attend sur mon montrer le face caché des gens réels. Sans ses ailes, non, je n'ai plus ce qu'il est devenu sentinelle. Mes sentiments m'étant extraordinaires d'extraterrestres. Se battre dans ce monde qui fait de chacun un être extraordinaire. Les pires d'hier n'avaient pas la technique. Ils ont fait vite, aujourd'hui les voleurs nous mentent ou pleines portes des cons, ils croient que ça s'explique. Leur lexique, exit, d'ici jusqu'au Mexique. D'injustice en injustice, ils font de leur copier sa perpète. Intercepte le message depuis bien des lunes, mon pote, j'arrive. J'arrive, mais sans le vouloir, sur le point de l'humour s'abîme. Ils veulent faire comme nous, yeah. Ils veulent rapper comme nous. Si tu veux nous piquer notre style, une fois que tu t'installes, pas de fucking espoir. Ils veulent faire comme nous. C'est à penser à l'action. J'ai mon style, puis je les prends piquer à personne. Mon style est vrai, puis pire que même sur les persos. Et yo, mon style reste toujours fidèle au groupe. Il a grandi avec ses bros, puis est devenu ce que l'on écoute. Il est né en 99, puis là 99% des gens font. On est prêt, on est les mecs, mais c'est frais, mec. Impossible que tu fasses pareil. On en fait ce qu'il y a à faire, pas juste pour pareil. On fait partie des baisses sans prétention. 2010, faites attention. L'album fonce sur la ville comme un boulet de canon. Imbécile, tu m'as mis devant ton héros, mais j'te crois pas. Ils veulent faire comme nous, yeah. Ils veulent rapper comme nous. Si tu veux nous piquer notre style, une fois que tu t'installes, pas de fucking espoir. Ils veulent faire comme nous.